stable dans la machine. Et passe les âges, le temps teste tes vertus. Petit renard, il te faudra bien du courage pour ne pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu? Bienvenue au Grain de Sable aujourd'hui, oui, deux invités de marque, oui, on a aujourd'hui, peut-être avez-vous vu déjà vu le film Enquête de sens, un film documentaire présentement à l'affiche au CLAP, et quand je dis présentement, c'est qu'à 13h10, dans 10 minutes, il y a une première présentation, vous avez tout juste le temps d'entendre une interview pour ceux qui sont sur la route avec Marc de la Ménardière qui a fait ce film, qui a réalisé ce film avec Nathaniel Coste, et qui est avec nous dans un café à Paris. Bienvenue à l'émission Grain de Sable. Bonjour. Bonjour, Marc. Je vais d'abord parler un peu de votre film pour donner le goût aux gens d'y aller. Il y a aussi une représentation ce soir à 21h50, mais dans quelques minutes, les gens peuvent aller directement au CLAP pour voir ce film qui a beaucoup marqué. Moi, j'ai eu la chance de te rencontrer lorsque la veille que tu faisais une présentation à l'Université Laval de ton film « Enquête de sens ». Donc, pour nous mettre un peu dans l'ambiance, c'est avec ton ami d'enfance, Nathaniel Coste, que tu te retrouves, en fait, à rêver, à réaliser ce film qui est vraiment fait, et puisqu'il y a eu plus de 100 000 personnes qui l'ont vu en France. Tu arrives tout juste du Québec, où tu as fait une tournée, où semble-t-il que c'est très, très, très populaire à Montréal et en région, mais ici à Québec, semble-t-il qu'il y a moins de monde qui ont été sensibilisés à voir ce film que tu as eu l'idée originale lorsque tu étais à New York. Ton chemin s'est croisé avec Nathaniel, un ami d'enfance que ça faisait 10 ans que tu n'avais pas vu. Et semble-t-il que tu étais tanné de travailler à exporter de l'eau en bouteille pour une multinationale et malheureusement tu as eu un accident qui peut être vu aujourd'hui d'une manière différente, mais dans ta convalescence, tu as visionné de nombreux films documentaires que ton ami Nathaniel t'avait suggéré. Et finalement, à force de visionner des documentaires, tu as été bouleversé et tu as décidé de laisser tomber ton plan de carrière et de rejoindre ton ami en Inde. Et ensemble, vous avez entrepris une épopée plutôt improvisée, c'est ce qui est un peu intéressant dans ce processus de réalisation. Vous avez voyagé en Inde jusqu'au Guatemala en passant par la Californie. Pourquoi un tel film, Marc? Alors, merci. Moi, je suis content de reparler un petit peu avec des Québécois, là, parce qu'on vient juste, moi, je viens juste de rentrer de Paris, là, et ça fait bizarre, là. C'est pas la même vibration à Paris, là. C'est différent, donc je suis content d'être là. Du coup, non, ce film, en fait, au départ, ça part du constat que tous les documentaires que moi j'avais vus, en fait, il y avait un côté un peu anxiogène, moralisateur, des fois, et on se sent un peu démuni, en fait. Moi, j'ai eu la chance de vraiment d'avoir 2 mois au lit, de vraiment faire le tour de tous ces documentaires-là, qui ont vraiment montré à quel point le coût écologique et humain, en fait, qu'on fait payer, en fait, enfin, que l'humain et la nature payent de notre mode de consommation. Et de là, de dire, bon, ok, mais qu'est-ce que je peux faire concrètement? Est-ce que c'est mettre les gens juste dans la peur et la colère, c'était peut-être pas suffisant. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas essayer de trouver des gens inspirants avec des belles alternatives qui vont te donner envie, en fait, de changer de mode de vie? Parce que sinon, on se demande quoi faire. On a peur de perdre du confort. On se dit, voilà, qu'est-ce que c'est pas la solution? Et donc, voilà, on est parti. Moi, j'avais besoin de partir, de voir autre chose. Et en même temps, sur la route, on a fait de rencontrer des gens très inspirants qui sont dans le concret, en fait, qui ne sont pas à brasser des concepts, mais qui vraiment agissent pour changer les choses au quotidien. Et en fait, ce qu'ils sont venus questionner, en fait, c'était vraiment nous, notre posture, notre vision du monde, et de dire que ce système, en fait, quelque part, il est que le reflet de certaines croyances, qui est le reflet de valeurs, de vision du monde, d'architecture un peu invisible, et de commencer à questionner ça, questionner les normes, en fait. Est-ce que vraiment on est séparé de la nature? Est-ce que l'accumulation de biens matériels, ça nous rend vraiment heureux? Est-ce que la démocratie est... Pourquoi elle est en danger? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas vraiment en démocratie complètement aujourd'hui? Et c'est tout ça qu'on a essayé de questionner avec la dimension aussi de l'intériorité, de comprendre, voilà, comment est-ce qu'on fonctionne. On veut nos comportements sont responsables. En fait, si le problème vient de nos comportements, et c'est aussi certaines valeurs, certaines croyances, et qu'il est temps aussi de tout se questionner, comme dit la phrase aussi, de se changer pour mieux changer le monde. Donc c'est un peu tout ça qu'on a essayé d'aborder de manière un peu ludique à travers un road movie pour donner envie aussi à mes potes d'école de commerce de regarder, de s'intéresser au changement et de toucher peut-être un public plus large pour essayer d'adresser ce problème de manière avec un peu de hauteur, sans trop culpabiliser non plus, mais en essayant de donner les faits et des pistes de réponse pour agir. C'est intéressant justement que vous mentionniez que ce film documentaire, par sa forme, mais aussi d'abord avant tout un road movie initiatique à la spiritualité, j'imagine. Est-ce que justement, vous savez, le groupe de Saint-Pierre-Longtemps récemment organisait un colloque sur le thème « Se changer, changer le monde » et votre film, certes, réussit à nous faire comprendre le monde. Mais vous, est-ce que vous voyez un lien entre le fait d'avoir compris en voyageant quasiment sur tous les continents que c'est possible de changer le monde? Est-ce que c'est possible d'en arriver à changer son mode de vie? Vous êtes un bel exemple. Si vous étiez un gradué d'école de commerce qui visait travailler dans les multinationales et qui aujourd'hui est un grand propagandiste de changer son mode de vie, est-ce que vous voyez un lien justement avec la simplicité volontaire? Ouais, bien sûr. Pour nous, en fait, ce qu'on a compris, c'est en ayant vécu à New York dans cette opulence, dans cette idée en fait du confort. Ce qui est sûr, qu'il faut de la sécurité, il faut du confort, mais qu'à un moment, je pense que ce confort, il nous prend tellement qu'il diminue presque l'intensité de vie. Quand on a discuté avec des économistes qui faisaient des études, il y en a un qui s'appelle Tim Jackson, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle La prospérité sans la croissance, et qui explique qu'à un moment, bah oui, l'accumulation matérielle, la croissance était utile à une époque, parce que après la Seconde Guerre mondiale, il fallait que tout le monde ait un toit, que tout le monde mange à sa faim. Puis il y a un moment, en fait, en continuant ce système, en fait, il sert plus ce pourquoi il a été inventé, puisqu'en fait, il cherche à se maintenir et on n'a pas besoin de trois frigos. Enfin, il y a un moment, le truc s'emballe et en fait, on se rend compte qu'on crée des besoins à des gens qui ne sont pas forcément très légitimes. Et donc, là, on commence à attaquer le côté, enfin, la crise écologique. Pour nous, elle vient de là, en fait, de cette surconsommation. Et en rencontrant des gens autour du monde, ce qu'il y a, c'est qu'on explose son système de croyance, on explose un peu son référentiel, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui vivent beaucoup plus simplement et qui finalement sont plus dans la joie, donc ça nous questionne forcément. Et il y avait un Indien qui faisait remarquer ça très justement, là, Satish Kumar, il dit en fait, bah, vous travaillez 10 heures par jour, vous mettez vos grands-parents dans des maisons de retraite, vous n'avez pas le temps de voir vos enfants, vous faites un travail qui ne vous plaît pas pour payer une nounou ou une maison de retraite. Il dit, mais ça en fait, c'est vraiment pauvre en fait, vos vies pour nous, elles sont pauvres en fait, matériellement, oui, elles sont riches, mais spirituellement, relationnellement, elles sont très pauvres en fait. Et ça a été que ça, en visitant un peu des pays différents, on se rend compte que ça en fait, ça questionne sur est-ce que notre mode de vie vraiment il est si épanouissant. On sait que, je connais pas les chiffres au Canada, mais en France, c'est 3 millions de personnes qui sont au bord du burn-out, 45% de gens qui pensent qu'ils passent à côté de leur vie, tellement on est devenu juste des outils au service d'un système et on n'a plus le temps de réfléchir au sens de pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Et la simplicité volontaire, pour moi, c'est de dire à un moment, bah, de prendre le temps, déjà de pas chercher à s'adapter au rythme effréné de ce système qui pousse tout le monde au burn-out, et de dire, bah, qu'est-ce que je suis venu faire sur cette planète, c'est quoi ma place dans l'univers, comme dit Vandana Shiva. Et de là, de dire que par la consommation, en fait, un, je décide ou non de cautionner un système ou pas, en fait. Est-ce que je participe à l'esclavage ou à la destruction de la planète en achetant quelque chose? Est-ce qu'au contraire, je peux pas acheter des choses qui vont dans le bon sens? Toute cette nouvelle économie qui est là, qui prend soin de la planète et qui prend soin de l'humain, il y a des gens qui font des choses et c'est important de les soutenir. Et c'est surtout qu'en se connaissant, en fait, on se rend compte que nos besoins matériels, ils sont souvent liés à des problèmes, à des choses qui sont psychologiques et sociales. Souvent, on achète des choses aussi parce qu'on vient combler un vide. On ne veut pas avoir le temps de se regarder aussi à l'intérieur, de se comprendre pourquoi on est anxieux, pourquoi ça va pas. Donc, la consommation, c'est comme un petit anesthésiant qui nous permet des fois d'aller mieux, mais ça règle pas le problème. Donc, si on a une vie plus pauvre, entre guillemets, matériellement, mais qu'on la comble, on l'enrichit avec des relations, avec du sens, avec plus de gens, en fait. Moi, je crois vraiment que le lien, c'est quelque chose, et d'avoir du sens, de prendre du temps pour soi, pour la nature, pour se connaître. Là, nos vies deviennent super riches, en fait, et on est moins nuisible, entre guillemets, pour la planète et pour soi. Et c'est plus dans ce sens-là, je pense que la simplicité volontaire va permettre, un, de moins coopérer avec tout ce qui est destructeur, et surtout de se rendre compte qu'en fait, il y a une vraie richesse relationnelle et à se connaître qui est importante de développer, et que nous, on est la seule civilisation, entre guillemets, à avoir mis complètement ça de côté au profit de juste l'économie en fait. Oui, je pense que c'est vraiment ça qu'on a appris nous à travers ce film, et Satish Kumar a dit en gros il n'y a pas d'économie sans écologie, on a mis l'économie au-dessus de l'écologie, alors que l'écologie c'est la maison, connaître sa maison, comment fonctionne la maison, les interactions entre tous les êtres vivants, et l'économie c'est la gestion de la maison. Donc en fait il faut arrêter de mettre la gestion avant la connaissance de la maison et donc la connaissance de soi. Et parmi les acteurs que vous rencontrez d'ailleurs, il y a monsieur Pierre Rabhi qui fait la promotion de la sobriété heureuse, qui est un peu la traduction française de France de ce que nous on appelle ici depuis Serge Mangeau dans les années 80 la simplicité volontaire. Donc vous avez rencontré Dr Vandana Shiva, vous avez rencontré Hervé Kempf, vous avez rencontré des grands penseurs qui changent leur monde à leur façon, mais parmi tous ces gens-là que vous avez rencontrés, lesquelles ont été les plus marquantes? Je pense que pour nous, la plus marquante, ça reste Vandana Shiva, justement, par le combat, en fait. Vandana Shiva, c'est quelqu'un qui est épistémiologue, donc philosophe de la science, qui derrière maîtrise toute la partie, donc qui est physicienne de formation, et qui en plus est agricultrice et a cette dimension, comme Gandhi aussi, spirituelle et activiste. Et si bien qu'elle était capable de faire des ponts entre des domaines très différents. Et c'est là, je pense, la vraie intelligence. C'est ce que dit aussi Edgar Morin, le philosophe français, sur la pensée complexe, qu'il est important de relier des domaines très variés, de faire des ponts entre des domaines, ça permet une compréhension globale, et parce qu'on comprend globalement, bah, on agit aussi plus intelligemment. Et elle a mis à ça, en fait, elle allie l'action concrète de comment est-ce qu'on peut être au service des plus démunis. Enfin, c'était surtout elle, les paysans qui se, avec tous les taux de suicide liés aux OGM notamment, où les paysans endettés, en fait, se suicident. Et donc, elle a pris une cause à bras le corps, elle a utilisé toute cette intelligence, toute cette capacité qu'elle a au service d'une cause, et elle a réussi à faire reculer des grosses multinationales comme Monsanto, Coca-Cola qui pillaient les nappes phréatiques en Inde. Et donc de voir quelqu'un d'aussi incarné, puissant, qui a le côté féminin de la mère qui protège et en même temps un peu guerrier, je pense que moi c'est quelque chose que j'ai trouvé ça très fort, très complet dans son personnage, et aussi très humble en fait. C'est aussi qu'on a essayé de parler à des gens qui sont humbles et qui se cachent pas derrière leur statut. Et donc tout ça, des gens exemplaires en fait, je pense que c'est ça qui touche en fait. Qu'on a des gens qui sont entre ce qu'ils pensent, ce qu'ils font et ce qu'ils disent, sont alignés, cohérents. Il y a quelque chose qui nous contamine, nous, et qui nous donne aussi envie de nous transformer et de nous aussi essayer à notre niveau de changer les choses. Je pense que ouais, ça reste la première rencontre vraiment très marquante. Après, tous à leur niveau, ils ont des choses extraordinaires, en fait. Ils ont tous une présence et un charisme, une capacité à dire très simplement des choses très complexes et à casser des dogmes pour mettre du bon sens et de la poésie. Et ça, Pierre Rabhi, Satish Kumar aussi, ils ont ce talent-là aussi. Donc c'est voilà, tous ces gens-là. Ça a été très dur au montage, on avait 80 heures de rush. Ah oui. Extraire la minute qu'on allait garder pour en faire qu'un film de 1h30 quand des fois il n'y avait rien acheté, quoi. Tout était oui. Parfait. J'ai tout à fait cette difficulté-là. À l'heure actuelle, j'ai 25 heures de tournage pour le film documentaire sur lequel je travaille, sur la simplicité volontaire. Et là, je suis rendu à 3 heures que je dois réduire à 1h30. Donc, je peux comprendre que ça a dû être difficile si vous aviez 3 fois plus de faire le deuil. Votre cimetière des belles images et des bonnes cotes, comme on dit, est sûrement plein de choses intéressantes d'Hervé Kempf, de Pierre Rabhi, de Dr Vandana Shiva. Et d'ailleurs, on la voit, elle joue un rôle important dans votre film En quête de sens, Marc, Dr Shiva. On la voit au début et vous en servez un petit peu aussi pour la conclusion. Ça vaut la peine d'aller voir le film juste pour voir sa pensée et voir ce qu'elle fait. Ben, je pense en fait que sa pensée, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'elle a commencé à nous expliquer cette idée de... Elle, pour elle, son combat principal, c'est l'esprit cartésien qui a tout séparé et qui fait qu'en fait, on pense que la nature est morte. Et donc, de cette pensée, vraiment d'une vision plus holistique. On a creusé ça autour du monde et on s'est rendu compte que sa pensée, en fait, c'est aussi celle de Pierre Rabhi, c'est aussi celle des Amérindiens, c'est aussi celle qui ont fauché les bouddhistes de l'interdépendance. Et qu'en fait, toute cette dimension-là, elle est en fait universelle, quelque part. Et ce qui était beau, c'est qu'à la fin, on l'a recroisé presque par hasard au Forum Terra Madre en Italie. Et en fait, celle qui conclut le film, justement, sur cette idée qu'on nous a construit comme des individus, en fait, et que derrière, on est d'abord une communauté. Et le jour où on prend conscience de cette communauté, de la force de cette communauté, de se percevoir, non pas comme individu isolé, mais comme la communauté de la Terre, notre communauté au niveau local, en fait, de là, il y a une vraie puissance qui est là, et c'est la démonstration que nous, on a pu faire aussi en distribuant le film, parce qu'en France, on a fait un film, on n'est passé par aucun distributeur ni attaché de presse, en fait. On a fait plus de radio presque au Québec qu'en France, juste parce que, justement, la communauté de valeurs s'est motivée à aller voir les cinémas, à dire, on a envie de voir ce film, et on a touché plus de 130 000 personnes, en fait, juste par le bouche à oreille, et les gens, ensemble, qui se disent, cette vision-là, on a envie qu'elle soit partagée. partager. Et c'est vraiment, nous, la plus belle conclusion du film, c'est que dans la distribution, on a pu montrer que ce qu'on raconte, c'est pas des conneries, on l'a vécu, en fait. Donc c'est aussi, nous, la fierté qu'on a avec Nathanaël et toute l'équipe d'avoir réussi à montrer que, voilà, on est plus puissant qu'on le pense. Mais certainement, de mon côté, en tout cas, comme président des Amis de la Terre de Québec, où on organise des projections, des discussions à la bibliothèque municipale ici, dans les bibliothèques de la région de Québec, on va suggérer au comité de choisir votre film pour qu'on puisse le revoir et le revoir à Québec gratuitement ici dans la bibliothèque. Parce que quand on invite des gens à visionner un film, eh bien, ils se retrouvent dans les bibliothèques par la suite. Donc, nous, du côté des Amis de la Terre, je vous garantis que je vais faire tout ce qu'il faut et on vous suggère une longue vie à ce film qui peut être distribué. Et vous êtes venu au Québec par une source de financement assez particulière. Voulez-vous, en terminant, nous expliquer comment vous avez réussi à ramasser des deniers et combien? Alors, nous, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a fait une souscription sur Internet à partir du moment où on s'est dit, bon, bah là, on peut plus porter nous-mêmes. On a été au bout de ce qu'on pouvait faire en termes d'investissement. C'est plus de 3 ans de travail et on n'avait plus de sous pour le distribuer. Donc, on a fait sur Internet une petite souscription. On a fait une petite vidéo. On a demandé 12 000 euros. Puis, on en a eu 40 000. Donc, du coup, on pensait juste faire un DVD. Puis, on s'est dit, bah, pourquoi pas aller un peu plus loin. Donc, du coup, derrière, on a tout fait pour que ça aille au cinéma et on pensait faire 20 000 entrées, on a fait beaucoup plus. Et puis après, il y a beaucoup de Québécois qui nous ont appelés aussi pour nous dire « Ah ben, on aimerait bien que ça vienne chez nous ». Et on n'arrivait pas à trouver la bonne formule. Et ce qui est drôle, c'est que ça a mis presque un an. C'est grâce au cinéma Le Beauvien là, qui nous a mis en contact avec une personne qui justement changeait de travail, qui connaissait un peu le monde du cinéma et qui voulait distribuer des films autrement. Il s'appelle Chantal Pagé, qui a créé une petite entreprise qui s'appelle Panache. Et qui derrière a fait ce petit travail aussi de fourmi d'aller trouver les bons réseaux et puis commencer à distribuer le film de manière aussi indépendante. Donc c'est que le début, nous on a fait 2500 entrées la semaine dernière, on est assez surpris, on est content que ça prenne aussi bien. Et c'est vraiment, l'idée c'est que ça soit aussi artisanal dans la distribution et qu'on vende pas ça comme des bouteilles d'eau ou des yaourts. Ben ouais, c'est sûr. Donc pour nous ça compte que tout soit bien aligné, que ça soit des bonnes personnes qui portent aussi ces choses-là. Et comme j'ai dit tout à l'heure, hein, le film c'est un prétexte pour se rassembler, pour faire des débats. Et je pense qu'il sera en salle pendant 100 jours. Il me semble que ça doit être... Le DVD ne sort pas tout de suite. Il faut attendre un tout petit peu l'exploitation en salle. Je crois que c'est l'accord qu'il y a avec les salles. Oui, c'est bien ça. Mais on l'a fait dans des universités. Je crois que ça devait être à prix libre. Enfin, l'idée, c'est que ça se diffuse. Donc, je pense qu'en appelant... Panache distribution, là il y a plein de compromis, tout est possible en fait. L'idée c'est vraiment que ça soit flexible et que le film soit visionné, et surtout qu'il y ait des débats derrière. On a eu des très très belles projections, très émouvantes certaines fois. À Rimouski, on a des gens vraiment qui à la fin expliquaient qu'ils voulaient, ils se demandaient s'il fallait qu'ils continuent dans ce qu'ils faisaient. C'était une dame qui s'est mise à pleurer. Un bel exemple. Donc, voilà, que vous avez réussi. Vous avez réussi à changer la pensée, la conscience de certains gens dans la région aussi de Rimouski. Ben, on salue nos amis de Rimouski qui, j'espère, que leurs bottines suivront les babines. Merci beaucoup, Marc. Merci à vous. De la Ménardière, réalisateur avec Nathaniel Coste du film Enquête de sens qu'on peut visionner au CLAP. Et est-ce que ça vous donne le goût d'avoir d'autres projets en 30 secondes? On va aller en distribuer d'autres, je pense, prochainement sur les thèmes qui sont dans le film. Et puis après, on va prendre le temps de se laisser inspirer, quoi. On veut pas en refaire un pour en refaire, on va pas faire du marketing. Donc, on va juste prendre le temps de se laisser inspirer. Et puis, on a hâte de voir le vôtre aussi, alors, sur la simplicité volontaire. Écoutez, on reste en communication et tenez-nous au courant de vos futurs projets, Marc de la Ménardière. Du film Enquête de sens. On pourra peut-être vous aider à distribuer le vôtre en France, parce qu'on a aussi du réseau en France. Donc il va falloir que toutes ces petites consciences, on se réunisse et qu'on unisse nos forces pour faire avancer cette vision. Tout à fait, c'est un travail de longue haleine et merci beaucoup d'être venu au Québec nous sensibiliser à se changer, à changer le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Chegou, sorriu, venceu, depois chorou. Então fui eu quem consolou sua tristeza, na certeza de que o amor tem dessas fases mais, e é bom para fazer as... Histoire de nous mettre un peu dans l'ambiance du Brésil, vous savez, Dominique Bernier, que vous connaissez sûrement si vous écoutez Le Grain de Sable depuis plusieurs années, une de nos chroniqueuses, toujours à l'affût des dossiers d'actualité concernant que ce soit les OGM, les traités de libre-échange, eh bien Dominique est au Brésil à l'heure actuelle, aux environs de Porto Alegre. Vous savez, ça fait 15 ans qu'on a fondé le Forum sociale mondiale qui se fera, hein, se fait dans des pays différents. Depuis le Brésil, depuis 15 ans, on a fait le tour de la planète quasiment. C'était en Tunisie il n'y a pas si longtemps. Ça sera à Montréal cet été. D'ailleurs, Dominique Bernier fait partie du comité organisateur pour bien préparer cet événement mondial qui se fait toujours en parallèle, normalement, depuis la tradition, en même temps que le fameux sommet de Davos, où je salue Justin Trudeau, qui a dit dans son discours, fallait avoir du panache pour dire ça, que l'avenir de l'activité économique du Canada ne se retrouve pas sous les pieds des Canadiens, mais entre leurs deux oreilles. Alors, on salue ce genre de discours de chef d'État qui s'attaque, ce qu'on pourrait dire, l'extractivisme et le productivisme pour se concentrer sur l'industrie du savoir, ce qu'on a entre les deux oreilles. Et évidemment, dans le même discours, il faisait la promotion des énergies renouvelables et que le Canada pourrait devenir un de ses promoteurs de la lutte au changement climatique, donc d'action gouvernementale pour sauver la planète, quoi. Donc, le Forum mondial, 15 ans à Porto-Alegre, Dominique Bernier est sur place. Elle représente Attaque Québec au sein de la délégation québécoise qui participe à ce Forum mondial à l'endroit même où ça avait commencé. C'est un forum thématique qui, comme son nom l'indique, souligne le 15e anniversaire de ce forum tellement important pour compenser ces grandes multinationales et transnationales qui se réunissent à essayer de changer le monde à leur façon, mais pas toujours de la bonne façon. Donc, ce colloque thématique cette année, ce forum, s'attaquait particulièrement à la corruption du Brésil. Et comme vous l'avez peut-être deviné, il y a des problèmes, évidemment, de corruption au Brésil. Et je vous réfère ici, avant d'écouter l'interview avec Dominique Bernier que j'ai fait ce jeudi, je vous réfère à la revue Relations, qui est sortie en décembre dernier, Sortir du choc des civilisations. Il y a un très, très, très bon texte sur le Brésil et la corruption, histoire de pouvoir compléter l'information que Dominique nous dira tout à l'heure. Dan Furukawa Marquez a signé un texte, Un Brésil entre crise et révolte, où il raconte les quatre crises que subit le Brésil à l'heure actuelle. C'est pas facile. Donc, on en reparle après avoir écouté Dominique Bernier. Dominique Bernier, coordonnatrice et porte-parole de la Coalition pour le Québec et Meilleure Mine et membre du conseil d'administration d'Attaque Québec. Rebienvenue chez toi à l'émission Le Grain de Sable, Dominique. Merci, Jean. Alors, tu es à l'heure actuelle au Brésil. Dis-nous exactement ce que tu y fais et dans quelle sorte de forum ou de colloque que tu participes. Ben, en fait, je suis à Porto Alegre au Brésil, cette ville mythique qui a donné naissance au tout premier forum social mondial, un événement, on se le rappelle, là, qui a été lancé pour faire contrepoids au Forum économique de Davos. Donc, c'est un forum social qui se préoccupe des questions de justice sociale, de protection de l'environnement et d'économie alternative. Donc là, c'est un forum social thématique. On sait que le forum social mondial va avoir lieu à Montréal cette année au mois d'août. Là, c'est un forum social thématique qui porte sur le bilan de 15 ans, des 15 ans du forum social. Donc, c'est vraiment un rendez-vous intéressant parce qu'il y a des militants de longue date du Forum social qui sont présents ici à Porto Alegre. Il y a plusieurs conférences, ateliers, assemblées de convergence sur une foule de sujets différents. Et moi, je fais partie de la délégation du Québec parce que je suis impliquée dans l'organisation du Forum social mondial de Montréal, et on a été invité par les Brésiliens, en fait, par les gens de Porto Alegre, pour venir voir comment ça se passe et aussi pour apporter une contribution pour inciter les gens aussi à se déplacer vers Montréal au mois d'août prochain. Et d'ailleurs, c'est eux qui sont à l'origine justement de ces forums, les gens de Porto Alegre, pour compenser ce qui se passe à Davos. Et tu sais, je sais pas si toi, tu as la chance de surveiller ce qui et de lire des nouvelles qui viennent de Davos, mais nous, on sait que ce matin, en fait, jeudi matin, au moment où on se parle, Dominique, on a eu des nouvelles de ce que le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a dit. Et une des choses que j'ai retenu que tu vas aimer, je pense, il a dit, vous savez, l'avenir économique du Canada n'est pas sous les pieds des Canadiens, mais entre leurs deux oreilles. Ce qui veut dire qu'on semble penser à laisser un peu l'extractivisme et le productivisme pour faire de l'industrie du savoir. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je suis assez d'accord avec ça. Tu l'auras compris. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de réseauter avec un grand nombre d'organisations brésiliennes et de militants, en fait, qui travaillent pour améliorer, un peu comme le fait la Coalition pour le Québec, pour que le Québec ait meilleure mine, pour laquelle je travaille, qui travaillent à améliorer, en fait, le secteur minier, parce qu'on sait que les problèmes sont les mêmes ici au Brésil qu'au Canada, c'est-à-dire une réelle complaisance de la part des autorités gouvernementales vis-à-vis du secteur minier. On sait que les peuples, autant les peuples autochtones locaux que les populations plus urbaines, dans le fond, n'ont absolument aucun droit face aux minières. Et on sait aussi que récemment, au mois de novembre 2015, il y a eu un déversement majeur, un déversement sans précédent au Brésil, à Mariana, dans l'état du Minas Gerais. C'est un déversement d'une mine d'or, une rupture de barrage qui a causé en fait le déversement de 50 à 60 millions de mètres cubes sur plus de 600 kilomètres et qui a entraîné un grand nombre de morts et 5,2 milliards de dollars US de... Milliards US? Oui, de 5,2 milliards de dollars US de dommages estimés. Ben voyons. Puis ça a contaminé une vallée tout entière, ça a détruit un fleuve au complet, toute vie a disparu de ce fleuve parce qu'on sait que les résidus de mines d'or, dans bien des cas, contiennent du cyanure, contiennent des produits très, très toxiques. Du cyanure? Il y avait des gens qui nous parlaient de ça ce matin, c'était poignant. D'ailleurs, parle-nous un peu plus. Tu es dans un forum social thématique, comme tu dis, tu es à Porto Alegre au Brésil, 15 ans après le premier sommet qui voulait justement compenser ce qui se passe à Davos à l'heure actuelle en Suisse. Alors, mais quels sont les thèmes à aborder? Bien sûr, le thème de l'austérité est quand même assez présent. Le thème de la privatisation des services publics, mais les auditeurs du grain de sable ne seront pas dépaysés. Hein. C'est un peu des thèmes qu'on aborde souvent au grain de sable qui sont d'actualité au Québec et au Canada aussi. C'est des thèmes qui sont d'actualité à l'échelle mondiale. Donc, on voit, en fait, on sait que le Brésil est viré à droite avec le temps. Il y a eu une période de plus à gauche, mais là, maintenant, c'est un gouvernement de droite qui est en place et il y a une privatisation, notamment de l'éducation qui se fait, qui est rapide et qui cause beaucoup de... des mois parmi les intellectuels locaux, parmi le personnel de l'éducation aussi. Donc ça, c'est un thème très, très important. Et je dirais que, dans le fond, le cri de ralliement qu'on entend quand on comprend un peu le portugais, c'est « un autre monde est possible » et il y a quand même de l'espoir. Les gens sont ici aussi pour se nourrir, pour se redonner un peu d'énergie et d'ardeur dans leur lutte, qui sont toutes assez diversifiées. En se disant que c'est pas fini, c'est pas perdu, et puis on peut encore lutter. Le forum social rassemble des centaines de milliers de personnes. Les forums sociaux mondiaux, en général, rassemblent plus de 100 000 personnes qui viennent de partout dans le monde pour construire, pour réfléchir et construire des initiatives et essayer de faire du monde un endroit plus juste et plus sain pour tout le monde. Tu faisais un lien tout à l'heure entre le Brésil et le Canada en disant qu'ils avaient les mêmes problèmes que nous par rapport aux minières, mais est-ce que, par exemple, eux, ils sont vus comme un paradis fiscal pour certaines minières, comme certaines minières canadiennes qui ont leur siège social à Toronto, mais c'est tout ce qu'ils ont de canadiens, souvent c'est des entreprises étrangères, américaines, australiennes, peu importe, mais qui utilisent les programmes fiscaux? Les entreprises qui font de l'extraction minière au Brésil sont principalement étrangères, soit canadiennes, soit américaines. OK, donc c'est nos impôts qui payent ça. enregistrés dans des paradis fiscaux comme le Canada qui ben oui. pour les minières, comme le Delaware là, pour la question américaine. Oui. Donc, c'est vraiment des entreprises étrangères. Par contre, il y a une autre similitude, c'est qu'ils sont aux prises avec un système de porte tournante entre l'industrie et le gouvernement qui fait en sorte que ceux qui créent les règles passent ensuite quelques années plus tard à l'industrie, puis reviennent dans la fonction publique pour modifier les règles, si on veut. C'est ça un peu les portes tournantes. Là. C'est l'idée que les gens se baladent du secteur public au secteur privé et ça, avec tout ce que ça peut causer comme conflit d'intérêts potentiel et avéré. Porte tournante, il me semble que c'est un terme poli pour corruption. Ou Oui, ben c'est sûr que il y a de la corruption également. Le Brésil n'en est pas exempt, ça a été abordé aussi. Il y a de la corruption réelle. Ici, il faut savoir que contrairement au Québec et au Canada, les entreprises peuvent contribuer à la caisse électorale des partis. Sans limite. Comme c'est le cas aux États-Unis. Et sans limite. Effectivement, c'est même pas caché, là. Les entreprises minières sont parmi les plus gros contributeurs aux caisses électorales des différents partis. Donc, ça, avec tout ce que ça cause comme comme problème, là, en fait, ça fait en sorte que les une fois élus, ces gens-là, bien sûr, vont être complaisants vis-à-vis de l'industrie, comme c'est le cas au Québec. Oui. Par contre, au Québec, théoriquement, les entreprises n'ont pas le droit de contribuer à la caisse des partis électoraux, mais on sait avec la commission Charbonneau que ça s'est fait par la bande de toute manière, quand même, là, malheureusement. Ah, où est-ce que les hommes, il y a de l'hommerie, mais dans la revue, là, Relation, pour qui veut une société juste, de décembre dernier, sur le thème sortir du choc des civilisations, il y a un article sur le Brésil, entre crise et révolte, par Dan Furukawa Marques, et on y mentionne effectivement que les entreprises brésiliennes n'ont pas de maximum aux contributions politiques. Je pense qu'au Canada, même si on semble avoir établi certains, pour le Canada en tout cas, certains maximums qui sont souvent ou la plupart du temps respectés, mais au Brésil, effectivement, ce sont les lobbies des entreprises qui peuvent donner un maximum sans limite. Ouais, ici au Québec et au Canada, les entreprises ont carrément pas le droit de contribuer aux élections. Ce sont seulement les individus qui peuvent contribuer. Puis le plafond est de 100 $ pour le provincial, et je crois que c'est la même chose, ou peut-être un peu plus pour le fédéral, je me rappelle plus du montant exact, mais bon, c'est pas des montants qui sont élevés. Bien sûr, il y a des systèmes de contournement qui ont été développés au fil du temps, là, mais c'est quand même, on est mieux protégé à cet égard-là qu'au Brésil, où il y a strictement pas de où les entreprises peuvent carrément prendre de l'argent dans leur caisse elles-mêmes, là, par exemple, puis contribuer, là. Ça, c'est autre chose, quand même. C'est merci. Merci, Dominique. En terminant, est-ce que tu as un message à nous livrer de l'expérience que tu vis là-bas? Ben, écoutez, je pense que je reprendrai l'idée maîtresse du forum, du bilan des 15 ans du forum social ici à Porto Alegre au Brésil. Un autre monde est possible. Il faut simplement s'unir, construire nos solidarités et puis continuer la lutte. Ben, merci Dominique. Et on en reparlera de façon du forum social mondial de Montréal qui se déroulera en août prochain. Dès que tu seras de retour du Brésil, merci de nous avoir donné un peu de ton temps entre deux conférences, entre deux rencontres. Merci à toi, Jean. Au revoir. Au revoir. C'est KRL 89.1. Adoucissez votre hiver et vivez l'expérience du Mois Multi, le Festival international d'art multidisciplinaire et électronique de Québec. Au rendez-vous, une mystérieuse cabane de pêche dans le parc Saint-Roch, un concert immersif envoûtant, un théâtre sonore d'ombre et de lumière, une installation dont vous êtes le héros, des performances ludiques et des soirées festives uniques. Des artistes d'ici et d'ailleurs vous convient à faire la découverte de ces œuvres hors du commun lors de cette grande fête multi. Le Mois Multi, du 3 au 27 février à Méduse et chez plusieurs partenaires. Moismulti.org. Vous avez une carte de membre de CKRL? Présentez votre carte à la boutique Écoauthentique au 160 rue Saint-Paul et économisez 10%. Votre carte au coût de 25 $ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Chaque trousseau de clés perdues a une histoire. L'Association des amputés de guerre le sait bien, car tous les ans, elle retombe plus de 14 000 trousseaux de clés à leurs propriétaires. Merci au service des plaques porte-clés des amputés de guerre. J'ai perdu mes clés et la télécommande de ma voiture dans un parc. Plus tard, j'ai eu l'heureuse surprise de les recevoir par messagerie. C'est un service hors pair. Les plaques porte-clés de l'Association, ça fonctionne et c'est gratuit. Commandez-les à amputedeguerre.ca et suivez-nous sur Facebook. La Quincaillerie Saint-Jean-Baptiste est heureuse de s'associer à CKRL en tant que partenaire fidèle. Depuis plus de 100 ans, la plus grande des petites quincailleries s'implique dans sa communauté en offrant des produits adaptés aux besoins des gens qui résident au cœur du centre-ville. Que ce soit pour des produits en plomberie, électricité, la taille de vos clés ou la coupe de bois, ou pour toute la gamme de couleurs pour vos besoins en peinture de marque Sico et Rona, la quincaillerie Saint-Jean-Baptiste sous l'enseigne du marchand Rona est ouverte 7 jours pour vous servir. 298 rue d'Aiguillon, 418-525-5212. Devenez notre ami Facebook. À la librairie Pantoute, les livres sont testés sur des libraires. Ce mois-ci, Donald, de la succursale Saint-Roch, vous propose le tome 9 des œuvres complètes de Raymond Carver, consacré à sa poésie. Chaque poème s'adresse au cœur directement avec une voix douce et chantante. Et Édouard, de la succursale du Vieux-Québec, vous suggère Le jeu du démiurge, de Philippe Aubert-Côté. Un roman de science-fiction brillant, riche et plein de finesse, digne des maîtres du genre. La librairie Pantoute, une librairie indépendante, des libraires passionnés et plus de 50 000 titres à vous proposer. 1100 rue Saint-Jean, 286 rue Saint-Joseph-Est. Librairiepantoute.com. Avec nous, par la voix des ondes téléphoniques, nous avons Philippe de Grosbois, auteur dans la revue À Bâbord. Et c'est une revue sociale et politique dont on n'a pas encore parlé ici à Grain de Sable, mais c'est une revue que j'ai découvert assez récemment pour ma part, grâce à Claude Vaillancourt, président d'Attaque Québec, que je salue. Et d'ailleurs, Claude sera à Québec le 3 février prochain, une soirée relation, l'austérité et les régions du Québec. Claude Vaillancourt, donc enseignant et écrivain, président d'Attaque Québec, avec Jean Genet, vice-président de Solidarité rurale Québec et maire de Wentworth Nord, et Émilie Dufour de la MRC Charlevoix seront une activité mercredi le 3 février prochain au Centre Frédéric Bac. Donc, on en reparlera un peu plus la semaine prochaine. D'ailleurs, on a comme invité Claude Vaillancourt et d'autres personnes en lien avec l'austérité que l'on vit trop ces temps-ci. Et parmi les lectures que j'ai fait dans le temps des fêtes, ben c'est cette revue À Bâbord du mois de décembre dernier, toujours disponible en kiosque d'ailleurs à la librairie Pantoute. J'entendais la publicité tout à l'heure. Philippe de Grosbois, merci d'être avec nous ce samedi après-midi, de vous libérer de vos activités habituelles. J'ai beaucoup aimé votre texte Islande, banque, casserole et pirates. Mais d'abord, décrivez-moi ce qu'est pour vous la revue À Bâbord, qui est en fait un espace ouvert pour le débat politique et l'intervention sociale. Est-ce vraiment une publication indépendante sans but lucratif à laquelle vous collaborez depuis longtemps? Oui, exactement. C'est en fait, À Bâbord en est à sa 13e année cette année. Moi, ça va faire 7 ou 8 ans, je pense, que je fais partie du collectif. Donc oui, c'est effectivement une revue sans but lucratif, indépendante. On fonctionne dans la quasi-autogestion avec un collectif de rédaction qui prend toutes les décisions. L'objectif, ben, c'est d'accompagner les luttes sociales au Québec, mais aussi ailleurs, là, d'informer, de débattre, donc de donner des outils finalement aux militants, aux militantes pour s'informer, comprendre les enjeux. Et puis, ben le dossier dont vous parlez, de notre numéro décembre-janvier, effectivement, il sera peut-être plus en kiosque dans très, très longtemps, là. Peut-être qu'il y en a pour 2 semaines, mais on a fait un numéro sur l'Europe. Donc, et particulièrement tous les différents mouvements, l'Europe comme terrain de lutte sociale actuellement, c'est sûr que on peut beaucoup penser à la Grèce, à la tragédie grecque de l'été dernier. Mais il y a plusieurs autres pays dans lesquels il se passe des choses parfois inquiétantes. Évidemment, on pense à la montée de l'extrême droite, toutes les tensions autour des réfugiés, mais il y a aussi beaucoup de pays dans lesquels il y a des poussées démocratiques, des mouvements de gauche qui sont assez puissants, qui réussissent souvent à se rendre jusque dans les parlements ou au niveau municipal comme en Espagne, et qui essaie aussi de transformer même la façon de faire de la démocratie finalement. Oui, d'ailleurs, donc, on salue. C'est ça qui est couvert dans le dossier. Oui, on salue ce dossier qui porte le sous-titre de Peuple en mouvement, et on y voit de très bons articles. Et je vois celui Extrême droite en Europe vers la normalisation de Pierre-Mathieu Lebel, dans lequel il y a un graphique ou un genre de tableau. On nous montre quelques partis d'extrême droite dominants en Europe et leur poids électoral tant à l'échelle nationale qu'européenne, et on y décrit chacun, en tout cas, des principaux pays où il se passe des choses, une sorte de tendance. On est porté à penser ici souvent à la France et à la montée du Front national. Et alors, 23 sièges sur les 550 du Parlement européen, par exemple. Donc, c'est un peu apeurant. D'ailleurs, j'étais à Paris au moment des élections régionales, et puis on peut voir que l'actualité est remplie de reportages où on essaie de voir comment on peut cesser cette montée de l'extrême droite. Mais vous, dans votre texte sur l'Islande, c'est intéressant, banque, casserole et pirates. Donc, est-ce qu'on peut vraiment changer le monde en frappant des casseroles? ben c'est sûr que la casserole, c'est comme ici en 2012. Ben hein, oui. La casserole, c'est toujours un épisode de colère. La question, c'est aussi qu'est-ce qui se passe après. Mais les Islandais ont eu quand même un peu plus de succès, même si c'est mitigé. Ils ont eu plus de succès qu'au Québec avec les casseroles. C'est-à-dire que, bon, c'est arrivé en fait avant 2012. C'était dans les suites de la crise financière, la crise des subprimes aux États-Unis. Puis il y avait eu beaucoup, beaucoup de spéculations en Islande, des banques qui avaient été privatisées. Et donc, il y a eu vraiment une bulle spéculative et qui a éclaté à peu près là, au même moment qu'aux États-Unis. Et donc, les casseroles, c'était fin 2008, début 2009, où tous les samedis, les Islandais et Islandaises, on parle quand même d'un petit pays, là, 300 000 ben habitants, oui. Donc, se voyaient tous les samedis devant le Parlement pour exiger la démission du gouvernement, des élections et des poursuites en justice. Et finalement, ils ont réussi cette étape-là. Il y a eu des démissions du premier ministre. Même plus tard, il va se faire poursuivre pour négligence, il va se faire condamner. Il fera pas de prison, par exemple. Mais il va avoir des nouvelles élections. Et dans le fond, c'est qu'il y a un mouvement aussi qui prend forme à ce moment-là, dans la foulée du mouvement des casseroles. Il y a même un petit parti politique qui est issu directement de ce mouvement-là, qui va avoir des premiers élus en 2009. Et la tangente qu'ils vont prendre pour essayer de changer les choses, c'est beaucoup plus par le biais de l'information. Donc ça, c'est le volet pirate dans le titre de l'article, là, banque, casserole et pirate. C'est que l'Islande a cette particularité-là d'avoir des activistes de l'information qui sont très organisés et qui ont beaucoup réfléchi sur la manière de transformer, renouveler la démocratie par le biais de l'information. Et donc, par exemple, ils vont mettre de l'avant, faire adopter ce qu'ils appellent l'initiative islandaise de modernisation des médias, qui est comme un vaste projet pour transformer bon les lois d'accès à l'information, protection pour les lanceurs d'alerte, les sources, parce que bon, une bonne partie de la débat qu'ils ont connue, mais c'est simplement juste de comprendre ce qui se passe, de comprendre les lois qui ont permis de privatiser les banques, donc d'avoir un meilleur accès à l'information puis aux différents problèmes qui ont pu mener à cette crise-là. Et la Banque centrale a procédé à la nationalisation des banques privées là-bas. Oui, mais ça, c'est sûr que, bon, des fois, on entend quelques bribes de ce qui s'est passé en Islande, et puis ça peut être tentant d'être romantique. En fait, les banques ont été nationalisées, c'était les conservateurs qui étaient au pouvoir à ce moment-là, c'était avant qu'ils démissionnent, en fait, là, c'était en plein dans la crise. Donc, les conservateurs, disons, ils l'ont fait par pragmatisme, là. Ils sentaient que tout était pour déraper et que finalement c'était une prise de contrôle d'État. Mais tout le mouvement dont je viens de parler a eu quand même des difficultés dans les dernières années et les banques ont été reprivatisées. Donc il n'y a pas eu une prise de contrôle permanente, si on veut, des banques. Mais il y a eu aussi beaucoup de luttes par rapport aux dettes parce que quand les banques étaient pratiquement sur le bord de la faillite, ben ils avaient aussi des filiales dans des pays étrangers et à un moment donné, ben les gouvernements ont dit ben il faut que vous payiez les dettes de ces banques-là et il y a eu deux référendums successifs qui ont été faits en Islande là aussi en raison de pression populaire et par deux fois, les Islandais ont dit, ben non, c'est pas à nous à payer pour les bévues de du système bancaire. Dans votre article, j'aime bien, on fait référence à un petit parti qui est directement issu de la révolution des casseroles, le mouvement des citoyens, qui a remporté 7% des voix et a obtenu 4 sièges sur la base d'un programme santé sur des réformes démocratiques. Et parmi les personnalités les plus importantes de ce parti, on m'excusera peut-être que tu pourras prononcer son nom. Oui, Birgitta Jonsdottir. Oui, parce que c'est quand même assez particulier la manière qu'il écrit. C'est une figure vraiment connue aux multiples identités. Poète, geek, militante pour Wikileaks, politicienne, et d'ailleurs, ça va intéresser. L'émission qui suit, c'est les geeks contre-attaque. Si peut-être en ont-ils déjà parlé de cette leader Wikileaks. Et d'ailleurs, c'est une des premières actions de Wikileaks, si je ne m'abuse, d'avoir soulevé des dossiers sur... Wikileaks, c'est beaucoup... peut-être pas constitué, mais en tout cas, il y a beaucoup de travail des débuts de Wikileaks qui s'est fait en Islande. Il y avait plusieurs militants qui s'étaient installés là. Je ne sais pas si vous vous souvenez le fameux vidéo Collateral Murder où on voyait d'un hélicoptère des gens qui se faisaient tirer en Irak. C'était une des premières vidéos lancées par Wikileaks. Ben, cette même personne-là, Birgitta Jonsdottir, a travaillé avec Julian Assange et d'autres au montage et à la divulgation de cette vidéo-là. Donc, effectivement, l'élection dont vous parliez, ben ça, c'est l'élection de 2009, où ils ont eu des petites, quand même une petite percée. Ça s'est fait très, très rapidement, en fait, parce que le mouvement venait tout juste de prendre forme. Et bon, ils ont réussi à faire élire quelques personnes. C'est sûr qu'avec la proportionnelle, ça aide. Hein. Est-ce qu'ils sont encore au Parlement? Oui, c'est ça. Là, en fait, c'est que ce parti-là, ensuite, s'est désagrégé, mais c'est le Parti pirate qui a pris le relais. Parti pirate qui est quand même une formule qui existe dans plusieurs pays. Oui, c'est un icône. Comment? C'est un icône qu'on voit apparaître dans d'autres pays européens. Oui, c'est ça, en Suède, au Parlement européen, tout ça. Et donc, ils se sont reformés comme Parti pirate en 2012. Il y a eu des élections en 2013. Encore là, c'est un petit pourcentage, 5% des voix. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme l'Islande est un peu, peut-être pas retourné à la case départ, mais en tout cas a subi beaucoup de recul et beaucoup des problèmes qui étaient à l'origine de la crise sont revenus, ben le Parti pirate est en montée depuis avril 2015. Ils sont les premiers dans les sondages. Puis encore récemment, je voyais, là, ils étaient à 38%. Donc, ça pourrait être, eux, le parti le plus populaire aux prochaines élections qui ont lieu dans à peu près un an. En Islande, il faut toujours que ce soit des gouvernements de coalition. C'est très difficile d'avoir la majorité tout seul. Donc, il faudrait qu'ils travaillent probablement en coalition. Mais si ça se poursuit comme ça, ben c'est sûr que ça pourrait être assez intéressant. Et puis, c'est un bel exemple aussi d'assemblée constituante. Là, mon ami Alain Bergeron serait content de voir que dans la revue... à Babar, et dans le texte que vous avez écrit, Philippe de Grosbois, vous faites référence justement à ce forum, ces forums citoyens qui ont jeté les bases d'une assemblée constituante avec 1200 des 1500 participants qui ont été choisis au hasard pour faire une sorte de constitution, j'imagine. Oui, c'est ça. Ben c'était vraiment, bon, là aussi, 2009-2010, là où le mouvement est le plus à l'offensive. Donc, on choisit des gens au hasard, on s'assure que l'âge, les gens, la région, tout ça soit proportionnel. Les gens sont séparés en ateliers, identifient des valeurs et il y a un processus de rédaction des bases de la Constitution qui se fait ensuite de manière collaborative. Et là aussi, on voit l'influence de l'activiste de l'information, les hackers de logiciels libres, bon, on essaie d'ouvrir toujours la construction de ce qu'on est en train de faire. Donc, le projet de constitution, chaque semaine, est mis à jour sur le site. On montre là où on en est rendu dans l'ébauche. Et les gens peuvent écrire, soumettre des modifications, ajouter des choses. Il va même y avoir un référendum pour faire approuver les bases de la constitution. Le référendum va passer, là, ça va être accepté à, bon, je pense que c'est 67%, mais là, c'est là que le mouvement a perdu un peu de son élan. Ils n'ont pas été capables de forcer les parlementaires à emboîter le pas suite à ce référendum-là. Intéressant. D'ailleurs, je vois que tu fais référence à un de tes propres articles écrit dans la revue À Babar, dans le numéro 53 de février-mars 2014, qui est disponible sur Internet. Si on va sur le site www.ababar.org et qu'on y fait une recherche des geeks au Parlement. Oui. Donc, tu as fait un article spécialement là-dessus. Peux-tu nous en parler en terminant? Oui, ben en fait c'est vraiment sur la mouvance des partis pirates, donc c'est sûr ça parle de l'Islande aussi, mais en général l'idée que bon les partis pirates essaient de montrer que les enjeux liés à l'évolution d'Internet, c'est des enjeux politiques, c'est pas seulement des enjeux techniques, il faut les poser comme des véritables problèmes politiques, surtout étant donné qu'Internet est devenu aussi central dans notre vie, et qui essaient aussi de travailler leur propre fonctionnement comme parti, puis éventuellement le fonctionnement de la politique, en s'inspirant un peu des principes des hackers et des militants du logiciel libre. Donc, en essayant, encore une fois, d'ouvrir le plus possible les processus en tout cas, ils appellent, parfois, ils disent, c'est comme de hacker la politique, finalement, que la politique aussi, quelque chose qu'on peut décortiquer, bricoler, modifier, partager les différentes trouvailles qu'on a, de façon à ce que ce soit davantage ouvert, davantage démocratique. Et si on vient ici au Québec, est-ce qu'il y a des possibles créations ou fondations de partis pirates avec les mêmes objectifs? Bien, c'est sûr que comme ici, sans la proportionnelle, hein, on sait comment un petit parti, c'est difficile de d'avoir une percée. Mais le premier ministre Trudeau a promis qu'on voterait aux prochaines élections dans 4 ans dans un nouveau système, un nouveau mode de scrutin. Alors, peut-être que, justement, les petits partis comme le Parti vert et le Parti pirate pourront prendre leur place. Ben, aux dernières nouvelles, il y avait un Parti pirate canadien. Donc, effectivement, si jamais on a la proportionnelle au fédéral, peut-être qu'il pourra se faire une plus grande place. Sinon, ben c'est sûr qu'il y a des initiatives aussi qui sont pas dans le cadre des partis politiques, mais il y a une organisation qui s'appelle Facile, bon, pour l'appropriation collective de l'informatique libre, qui travaille aussi quand même sur des outils comme ceux-là. Mais pour une entrée en politique, en tout cas au Canada, au Québec, on a l'air plus loin de ça. Probablement aussi qu'à Québec solidaire aussi, il y a des débats qui vont dans ce sens-là aussi. Oui, c'est certainement un des partis les plus proches de cette pensée, de l'Assemblée constituante. Exactement. Aussi. Il faudrait vérifier si ça fait partie du programme, mais je sais qu'il y a des discussions qui sont faites avec un groupe là, dirigé par Alain Bergeron, qui fait le tour du Québec à essayer de promouvoir l'Assemblée constituante dans tous les partis politiques et dans tous les conseils de la souveraineté et tous ces organismes, et peut-être le futur institut de M. Pelladeau. Que sait-on? Ben, écoute, merci beaucoup, Philippe de Grosbois. Est-ce qu'il y a un autre article là, que tu as écrit en Babar qu'on pourrait retrouver sur Internet que tu veux nous faire part avant de partir? Bien, sur le site d'En Babar, c'est sûr qu'on peut y aller par auteur, puis il y en a tout plein. Là. Il y en a un, c'est le journalisme à l'ère d'Edward Snowden, en quoi, le journalisme ne se fait plus exactement de la même façon, entre autres avec tous les documents que ces lanceurs d'alerte-là peuvent envoyer. Donc, ça aussi, je pense que ça peut intéresser vos auditeurs et auditrices. Bien, Philippe de Grosbois de la revue À Babar, merci beaucoup de nous avoir partagé avec nous ces informations sur les geeks au Parlement et sur ce que peut donner de frapper sur des casseroles ailleurs qu'à Montréal, à Québec. Ah oui, des fois ça marche. OK, merci. Bonne journée. Nous sommes des révolutionnaires. Malheur à ceux qui baillonnent leur peuple. Noël Isidore, Thomas Sankara, capitaine. Noël Isidore, Thomas Sankara, capitaine. Noël Isidore, Thomas Sankara, père du Burkina, combattant, on le chantera. Le gouvernement est là pour servir, et non pour se servir, ou servir quelques puissants du jour ou de la veille. Le peuple aime la liberté. Pour que passe la liberté, les détourneurs de la liberté ne doivent pas passer. En un mot, je voudrais vous dire que nous ne devons pas tenir le peuple en respect, mais réserver tout le respect au peuple. La liberté, ce n'est pas l'anarchie. Le peuple a droit à la liberté. Cette liberté ne doit pas se confondre avec la liberté pour les uns d'exploiter les autres, pour des profits illicites, la spéculation, les détournements ou l'escroquerie. Capitaine Noël Isidore, Thomas Sankara. Capitaine Noël Isidore, Thomas Sankara.